Chapitre 7. Lucknow et Laud, la résidence et la révolte des Sipai en 1857. L'Imambara. L'Hussein Nabad Imambara. Les bijoutiers de la ville noire. La martinière. Un mot sur les Sowars, sur les chevaux et sur les cantonnements. Départ pour Agra. 29 mars. Nous arrivons à l'aube dans la capitale du royaume Daoud. Note, Lucknow, 300 000 habitants. Fin de note. De même qu'à Bénarès, les cantonnements et les habitations européens sont à une respectueuse distance de la ville indigène. Il en est ainsi d'ailleurs dans toute l'Inde. Le but de ce mode d'installation est d'empêcher, en temps ordinaire, les troupes d'être trop en contact avec les indigènes, de se préserver le plus possible de la contagion en cas d'épidémie, enfin de réprimer plus facilement les révoltes quand elles viennent à se produire. Je n'ai pas besoin d'ajouter que les cantonnements sont installés à proximité des voies ferrées et que les plus importants ont une gare spéciale. La ville blanche est parfaitement tenue. Les routes sont de longues et belles allées bordées de superbes tulipiers ou d'arbres à feuillage rouge et chaque maison, ou plutôt chaque cottage, est entourée d'épais massifs de fleurs. Comme nous passons devant le palais du gouverneur, émergeant du centre d'un parc touffu, la calèche de ce personnage y rentre comme un éclair, précédé et suivi d'une escorte de cavaliers du 2e régiment du Bengale. Ce qui me frappe tout d'abord chez ces Sowars, c'est leur souplesse et leur belle position à cheval. Leur cuisse est presque trop descendue. Voilà un beau défaut. Notre gari nous dépose à Hills Imperial Hotel, le plus confortable établissement que nous ayons encore rencontré aux Indes. Nos chambres choisies, nous nous faisons conduire au muséum. Rien de particulièrement important à signaler en ce conservatoire, semblable à tous ceux de son espèce, sauf le plan en relief de la résidence à l'époque de la fameuse révolte de 1857. Nourris de ce sujet, nous nous rendons immédiatement sur les lieux mêmes dont nous venons d'étudier la représentation. En approchant de ces glorieux vestiges, témoins éloquents du plus sauvage des sièges, on ne peut s'empêcher d'éprouver une réelle émotion et l'on comprend que l'Angleterre soit fière de cette poignée de héros qui ont tenu tête pendant 5 mois à toute une armée d'esclaves ivres de vengeance. Il est d'ailleurs juste de reconnaître que les Anglais sont toujours à hauteur des circonstances quand l'honneur ou l'intérêt de la patrie l'exige. Ce sont de parfaits égoïstes, mais ce sont en même temps des stoïciens raffinés. Et tout fils d'Albion semble avoir constamment en pensée la sublime affirmation de Nelson Mourant. L'Angleterre compte que chacun fera son devoir. Cet hommage rendu, en passant, à un peuple qui ne nous chérit pas, je reviens à la résidence. De toutes parts, on ne voit que pans de murailles crevés de boulets ou rongés par la mitraille et retranchements effondrés. Au pied d'un mur informe, on nous montre l'endroit où Sir Lawrence, qui essaya de faire son devoir ainsi qu'il l'a dicté lui-même, est tombé mourant. Plus loin, c'est la cave percée de 2 boulets où les femmes et les enfants s'étaient réfugiés. Plus loin, le monument commémoratif. Plus loin, enfin, le cimetière. Des massifs couverts de fleurs encadrent ces ruines pieusement respectées et les plantes de la passion les recouvrent, en maintes endroits, comme d'un suaire lilas. Cependant, ce parc des souvenances est si peu fréquenté qu'en fait de promeneurs, nous nous trouvons tête à tête près d'un effondrement de mur avec un chacal. Arrière-petit-fils, peut-être, des fossoyeurs de 1857. De retour à l'hôtel, nous remarquons que plusieurs boys ont la barbe et les cheveux teints en rouge. C'est la mode en Aoud, comme en France, à ce qu'il paraît, mais ici, ce genre d'embellissement est surtout en honneur chez les vieillards. L'Imambara, que nous visitons en guise de sieste, est un palais colossal, ou plutôt une agglomération de portiques, de cours et de salles, décorées avec beaucoup de goût. La salle principale est monumentale. Elle mesure 60 mètres de longueur sur 18 de largeur. De plus, à chaque extrémité est un salon octogonal formant cœur. Malheureusement, tout cela est abandonné. Les ornementations élégantes des chapiteaux et des pendentifs s'effritent et tombent. Une élégante mosquée en pierre, en marbre et en mosaïque complète cet étonnant palais où repose le Nabab, Asaf ou Doula. Si nous avons trouvé l'imam Bara à hauteur de sa réputation, nous n'en dirons pas autant de l'Husseinabad, imam Bara. C'est une caricature architecturale renfermant dans une parodie de mosquée tout un magasin de bric-à-brac sans valeur artistique. Néanmoins, les jardins intérieurs sont si bizarrement décorés de statues et d'enjolivements de mauvais goût qu'ils forcent l'attention malgré tout. Ce devait être un personnage bien ridicule, ou du moins bien original, que le nommait Husseinabad. Nous pénétrons ensuite dans la ville noire, par un portique étrangement découpé et non moins étrangement peint. Les rues bien tenues sont moins étroites que celles de Bénarès, mais l'encombrement est le même. Quant aux boutiques élevées de 50 cm à peine au-dessus du sol, elles sont proprettes et engageantes. Aussi entrons-nous immédiatement en affaires. Les bijoutiers de Lucknow ont la spécialité des objets d'argent et de cuivre ciselés. Leur mode de paiement est assez primitif. A-t-on fait choix d'un objet ou d'un bijou quelconque, en argent massif par exemple, le marchand le place dans l'un des plateaux de sa balance, puis fait verser dans l'autre, par l'acquéreur, le nombre de roupies nécessaires pour rétablir l'équilibre. Nos achats terminés, nous filons dardard, malgré l'incandescence de la température, à la Martinière, ainsi nommée du général Martin, qui, parti simple soldat sous Lally, devint major général anglais. Cet aventurier lyonnais, après fortune faite, fit construire ce palais incohérent où il repose dans un sarcophage de marbre blanc. Il est difficile de donner une appréciation exacte de la valeur artistique de ce monument. Comme architecture, c'est bouffe. Tous les styles y sont accouplés pêle-mêle. On y trouve du persan, du chinois, du Louis XIV, du mauresque, de l'hindou, du Louis XV, du Henri II, du rococo. Ces détails sont abominablement surchargés de sculptures et de découpures, et cependant, l'ensemble est monumental à l'excès. En face de l'entrée principale est un grand étang, singeant la pièce d'eau des Suisses. Au milieu s'élève une colonne triomphale. Enfin, de beaux jardins entourent cette résidence affectée présentement à l'éducation des enfants de troupe. Nous visitons ensuite les ruines de Secunderbeg, auprès duquel furent massacrés deux régiments de cipayes révoltés. Le parc avoisinant cet endroit historique est remarquable. Quant au Secunderbeg lui-même, il n'en reste qu'un portique insignifiant. À notre retour à l'hôtel, deux officiers anglais viennent nous chercher pour nous mener luncher. Nous passons très inaperçus au milieu d'un grand nombre de dames anglaises en toilette claire, picorant un copieux goûter dressé en plein air pendant que des joueurs de lawn tennis et de polo luttent d'adresse et de vigueur et qu'une musique de cipaye fait entendre ses moins mauvais morceaux à la tiède joie des babies et des aïas languissantes. Note. Le jeu de polo est d'origine hindoue. Fin de note. Pas très folâtre cette beuverie. Le club où nous dînons en compagnie d'aimables gentlemen était autrefois, avant la révolte de 1857, la demeure de ce roi Daoud, dont le fils est en exil à Calcutta. C'est un splendide établissement et le comfort anglais unis à la magnificence hindoue en font un tout qui ne laisse rien à désirer. Car les vins sont à la hauteur du service, et le service est à la hauteur de tout le reste. 30 mars. Dès 6 heures, nous allons au cantonnement retrouver un de nos amis de la veille qui veut bien nous piloter sur une sorte de camp de chalons poussiéreux servant de champ de manœuvre. Entre autres exercices, le 2e régiment de cavalerie du Bengale fait devant nous au galop de charge celui du tent pegging. Note. Tent pegging, exercice qui consiste à enlever avec la lance un piquet de tente long d'un pied et fortement enfoncé en terre. Fin de note. Puis un autre consistant à couper avec le sabre et à la même allure des pommes de terre plantées presque au ras du sol. Les Sowars sont de très beaux et très souples cavaliers. Ce sont là, assure-t-on, les principales qualités du plus grand nombre. En attendant, ils m'ont l'air d'aimer davantage la fantasia que les mouvements d'ensemble et que les sauts d'obstacles. Kif kif, nos Arabes. Je ne ferai pas le même reproche aux officiers anglais, dont la réputation de hardis chevaucheurs est universelle. Il serait en effet difficile de passer plus correctement les obstacles d'un steeple que ne le fait devant nous le très complaisant capitaine R sur son bel Australien alezan. La tenue semi-orientale des Sowars, turban, tunique blouse, culotte safran et bottes, est simple et pratique. Les officiers européens portent tous une sorte de tunique dolman en toile grise ou blanche avec la botte jaune et le casque. Puisque je suis amenée malgré moi à parler métier, je dirai en passant qu'aux Indes, les meilleurs chevaux au point de vue du service militaire sont les chevaux arabes, bas, du Cap et d'Australie. Note. Ayant fait à part une étude de la cavalerie anglaise et indienne aux Indes, je m'abstiens de traiter ici ces questions trop sérieuses pour le ton de ce journal de voyage. Fin de note. Les chevaux du pays, vulgo hindoustani, race mongole, ne valent pas grand-chose et quoique le gouvernement fasse de grandes dépenses chaque année et encourage d'une manière persistante l'amélioration des races à l'aide des talents étrangers, il n'a pas eu à se louer jusqu'à présent des résultats obtenus. Beaucoup d'officiers sont montés en chevaux de pur sang anglais. Ces derniers ne paraissent pas trop bouder le pois chiche. Grammes des pelages et des perses. Remplaçant ici l'avoine saxonne. En revenant au Metz, nous traversons des cantonnements indigènes, puis ceux des Anglais, admirablement tenus. Sans entrer dans aucun détail, je constate que les lanciers du 17e régiment, Duke of Cambridge, sont de magnifiques hommes. Ils sont même trop beaux et trop forts en général pour leur monture. Ce sera ma seule critique. Les écuries hangars sont parfaitement comprises et les chambres sont irréprochables. Rien n'y manque, pas même les punkas. Nous donnons en passant un coup d'œil aux pièces d'artillerie soigneusement alignées et remisées, puis aux camp followers, puis enfin au menu du déjeuner. Note. Pièces d'artillerie. L'artillerie est exclusivement attelée d'Australiens et ses servants sont tous européens. Fin de note. Note, camp followers, serviteurs d'armée. Fin de note. Certainement, les officiers européens ont beaucoup à souffrir aux Indes, mais l'installation luxueuse de leur mess et de leur cottage est une compensation suffisante pour qu'on ne les plaigne pas trop. Nous ne faisons pas long feu dans notre visite à un monument de style Rastaquero hindou appelé Shah Najaf. Note, tombeau du premier roi Daoud. Fin de note. Le Para Baksh et le Chat Manzil, de même style bâtard, quoique autrement monumentaux, ne nous plaisent pas non plus. Note. Le Para Baksh. Séjour des délices, palais construit par le général Martin. Fin de note. Note. Chat Manzil, palais des femmes de Nazir Uddin. Fin de note. Tout cela sans son Martin d'une lieu. C'est de l'architecture de cantinière. Après le déjeuner, recombat de serpents, reabsorption de sabres, retour d'escamotage et danse d'ours de l'Himalaya. Un bon point à un ventriloque extraordinaire. Il m'a fait pleurer de rire en imitant tous les animaux de la création dans les diverses situations de leur existence. Les fameux monuments martinisés ou martyrisés nous ayant fait totalement perdre la couleur locale, nous retournons à la ville noire. Sur les terrasses de plusieurs maisons, des hindous de haute caste font leur sieste à l'ombre de grands parasols, tandis que de petits esclaves, accroupis à leurs pieds, leur donnent du punka. Un jeune seigneur, le sabre au côté, suivi d'une escorte très maigre, il est vrai, passe près de nous. Voilà la couleur du cru qui reparaît enfin. Plus loin, une procession d'hommes, de femmes et d'enfants défile bruyamment en agitant de petits drapeaux dorés pour demander la cessation de la variole, présentement en pleine floraison. Sur 100 indigènes, en effet, 30 au moins sont défigurés. Ça, c'est presque un peu trop de couleur locale. Les Indiens de Laoud ne sont pas beaux, en revanche leurs turbans sont énormes et leurs femmes ont adopté en bonne musulmane le pantalon dont Mahomet avait affublé ses épouses. Les sectateurs d'un prophète qui a mis la lune dans sa poche doivent évidemment chérir les culottes larges. On ne sait jamais ce qui peut arriver. À 9h du soir, nous filons sur Agra. Fin du chapitre 7.